on va instaurer ici un hamzat al-wasl. Et on va lui mettre une damma, parce que la deuxième lettre du verbe, elle est une damma. Donc on va dire uktub. Et là, tu as un verbe am qui revient à anta. Mukhatab ibn Zakar. Uktub, ay anta. Il dit uktub. Après, il fait pareil, il te montre le même exemple avec dakhala. Et dakhala, il est comme kataba. Ils sont tous les deux pareils. Ils ont, dans le mudari, la deuxième lettre, elle a une damma. Tu dis par exemple, anta tatroul. Vous voyez, anta tatroul. Donc ça fait quoi? Tatroul. Ensuite, on enlève le tel. Ça fait troul. Et comme on a dit, on ne commence pas par un net saakin, donc on a mis quoi? Hamzat al-wasl. Et on va prendre une damma, car le kha dans ce verbe, qui équivaut au ayn sur le wasl fa'ala, l'endamma, donc on va dire otroul. Vous voyez, otroul. Donc tous les verbes d'aller, tous les verbes qui sont au mudalir à la wazn, yef'ulu, le am c'est quoi? Ouf'ul. Vous voyez, ouf'ul. Après il donne des exemples. Première phrase il dit ukhruj min al-fasli ya bashir. Sors de la classe au bashir. Ça c'est pourquoi le mukhatab muzakkar, mufrad. Vous voyez, pour l'interlocuteur masculin singulier. Deuxièmement il dit Uktub darsaka ya aliyu. Écris ton cours, oh Ali. Usjud lillah. Prosterne-toi pour Allah. Unzur li dhaka al-jabal. Regarde cette montagne. Uktul hada al-hayata ya ammi. Tue ce serpent, oh mon oncle. Utrul ya Hamid. Rentre, oh Hamid. Ushkur rabbak. Remercie ton Seigneur. Voilà, chakala c'est yashkur. Je dis remercier. Urkut, Yawaled, tais-toi, ô enfant. Urknous, a dit le Rulfa, balaye cette chambre. Kanasa, ça c'est Kanasa et Knousso. Mafumada? Naam. Et également, le faire Amr, quand c'est là le Mukhatab, Muzakar, Mufrad, le fa'il, c'est un Damir, Mustatir, donc Diruhu, Anta. C'est toi en fait. Par exemple, quand je te dis, Ukhruj min al-fasl, c'est Ukhruj anta. Et là, il est toujours mustatir. Quand c'est dans le mufrad, jam, mufrad à fois mukhatab, muzakkar, jamais tu mets anta. Et là, il y a Bashir, c'est pas le fa'il, ça c'est munada. C'est un harf nida, il y a, et Bashir munada. Attention, c'est pas le fa'il. Le fa'il, il est dans le mustatir. Donc, diruhu anta, Ukhruj anta, Uktub anta, Uzjud anta, Nzur. Un tas, ainsi de suite. Ensuite, il va venir quoi? Maintenant, avec les mêmes démarches, mais pour le verbe à la wazn, yaf'ilu, au mot d'Aria. Celui dont la deuxième lettre a une kasra. Donc, il a pris comme exemple, jalasa. Jalasa, on m'a dit à la wazn, fa'ala. Au mot d'Aria, yajlisu. À la wazn, yaf'ilu. Donc ça fait quoi? Tu dis anta tajlisu. Vous voyez? Donc tu dis quoi? Tajlisu. Ensuite on enlève le ta. Ça fait quoi? Jlisu. Ou jlis plutôt, avec une secoule sur le sin. Jlis. Et là on doit mettre un hamza pareil pour pouvoir commencer par une lettre qui a une haraka. Donc on a mis un hamza avec quoi? Avec une kasra cette fois-ci. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la deuxième lettre du verbe, c'est une kasra aussi. Donc tu vas dire ijlis. Vous voyez, à la wazn, if'il. Donc pareil, tous les verbes qui viennent à la wazn, yaf'ilu, au mot d'aller, enfin leur am, leur impératif, ça va être quoi? If'il. Vous voyez, ça va être if'il. Il donne un autre exemple en dessous, avec rasala yarsilu, qui veut dire laver. Anta, tarsilu. Toi, tu laves. Tarsil, tu laves. On enlève le te, ça fait quoi? Irsil. Voyez, et là donc on doit rajouter un hamzat al-wasl, ça fait quoi? Irsil, parce que le sin là qui est le ayn du verbe, il a pris une kasra, donc le hamza il a pris une kasra, irsil. Ensuite il donne des exemples d'autres verbes à la wazn fa'ala yaf'ilu yaf'il, comme par exemple première phrase ijlis huna ya bilalu, assieds-toi ici au bilal. Deuxièmement irsil wajhaka bis sabun, lave ton visage avec le savon. Irjir bar sa'atin, revient dans une heure.

قال لي أبي فهم. Mon père m'a dit comprends. Vous voyez, mais si tu t'arrêtes, tu dis قال لي أبي فهم. Hein? Ifham. Et si tu fais la liaison, tu dis قال لي أبي فهم. Non. Comme on l'a pris dans le kitab Awel, les règles de lecture avec le Hamzat al-Wasl. Il dit إقرأ ما يلي مراعيا قواعد نطق حمزة الوصل وقواعد نطق الحروف الحرف الساكن عندما يلي ألف واللام. Donc il dit lis ce qui suit en respectant les règles de prononciation du حمزة الوصل et celles de des lettres qui n'ont pas de harakat lorsque ألف واللام vient derrière. تفضل الجملة الأولى. كل واشرب. نعم. Mange et bois. كل واشرب. ثانيا. اقرأ الدرس وافهم. Lis le cours et comprends-le. افهمه. ثالثا. اقرأ واكتب. نعم. Lis et écris. رابعا. اخرج والعب. نعم. Sors et joue. خامسا. اذهب الان وارجع بعد ثلاث ساعات. نعم. Pars maintenant et reviens dans 20 minutes. ثلث, on a dit quoi? C'est un tiers. سادسا. افتح المذياع واسمع الاخبار. نعم. Ouvre la radio, allume la radio plutôt et écoute les informations. خذ هذه الحقيبة وافتحها. وافتحها. وافتحها. نعم. Prends cette valise et ouvre-la. ثامنا. اذهب الى المدير واساله. نعم. Va chez le directeur et interroge-le. تاسعا. خذ الكوب. كوب. خذ الكوب. كوب. كوب. أيوه يبقى فتحة عصام فتحة. خذ الكوب. واغسله. نعم. Prends le verre et lave-le. Verre ou gobelet ou tout ce par quoi on boit. عاشرا. قال الله تعالى ليحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة. خذ الكتاب بقوة. نعم. Donc Allah سبحانه وتعالى dit à يحيى عليه السلام sur la sourate Maryam. Ô Yahya, prends le livre avec force. Détermination. وقال الله تعالى لآدم عليه السلام يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. نعم. Donc Allah سبحانه وتعالى dit à Adam عليه السلام, traduction relative approchée, ô Adam, habite-toi ainsi que ta femme dans le paradis. Et là, comme je te l'ai dit, regarde, tu as une preuve qu'à la base, dans le Coran, on peut dire zouj même pour la femme. سكون أنت وزوجك ما كل زوجتك زوجك شوفيا حواء. نعم. طيب هذا كل ما أخذنا الآن يتعلق بالمخاطب المذكر المفرد. C'est ce qui se rapporte à l'interlocuteur masculin singulier. Maintenant on va prendre comment on fait avec les autres personnes. Vous voyez les autres dans ma vie les autres sujets. Il dit إقرأ ما يلي. Lis ce qui suit. On dit يا حامد اذهب و حميد par va. Là c'est pourquoi المخاطب المذاكر المفرد. Et le fa'il ضمير مستتر تقديره انت. Maintenant on va faire comment avec antum pour donner un ordre. طيب à des gens, des hommes plutôt masculins. Tu veux dire quoi? يا اخوان اذهبوا. Donc là on met quoi? Oh jamaa. Hey, antum, izhabou. En fait, t'as vu comme on a fait pour anta. Au début, c'est en fait, par exemple, avec dakhala, c'est anta, tatkhulou. Après, on enlève le thé, on a mis hamza. Là, c'est pareil. Antum, tazhabouna. On enlève le thé, et après, on met le hamza, ça fait quoi? Izhabou. Et on enlève le noun aussi, de tazhabouna. Le noun, on enlève aussi. Après, dans les kutub de sarf, Inch'Allah, ils t'expliqueront bien en détail pourquoi. L'acheminement de la chose, comment ça arrive à ce stade-là. Maintenant, c'est quoi? Al-Mukhatab, Al-Mufrad, Al-Mu'annas. Ya Aminatu, Izhabi. Donc là, on remet le même ya que Tadhabina. C'est le même ya. Ya Al-Mu'annas, Al-Mukhatab.

ainsi que vos mains. Sabi'an, ubudna Allah wasjudna lahu. Donc là, tu parles à des femmes, antunna. Et ubudna Allah, antunna, adorez Allah, vous les femmes, wasjudna lahu, et prosternez-vous pour lui. Et là, tu t'adresses à qui? À des sœurs, à des femmes. Dans le halal. Ou même dans. Tu peux faire la siha à des femmes. Tant que tu es mahmoud de minute fitna, hein, tu es préservé quoi? Tu peux faire quoi? C'est demain une femme a fait le forodor, tu peux pas faire le homme marlou qu'on a les montres. Non, c'est une femme, je dis rien et tout. Non, si à méthode c'est préservé, il n'y a pas de problème, il faut l'interdire. Tu vois, il faut l'interdire. C'est pas ma haramout là quand de parler d'une femme. Il y a des choses autres. L'origine, non, il ne faut pas, mais des fois, il faut. Des fois, c'est obligatoire de lui parler. طيب ملكولين اختلاط حرام هذا في أبو فوتو كل جنس بدي أقول خليه وقاعد يلا دي شو بوات ديك اختلاط يبي تفصيل يبى تفصيل اختلاط التفصيل في هذه كاس c'est clair que dans le roi ou quoi tu peux parler d'une femme mais il y a des choses il y a des conditions. طيب ثامنا يلعبوا بعد الدرس jouer après le cours donc là c'est يلعبوا يب أنتم. تاسعا خذي كتابك يا كتابك يا سعاد. Donc là le chef c'est خذي انت. Prends ton livre au سعاد. عاشرا قال الله تعالى في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans sourate al-Baqara: ô vous les hommes, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé et celui il est ceux d'avant vous. Donc là le shahid c'est اعبدوا ربكم. Et il dit, Hadarachar, وقال في سورة الحج: يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. Donc il dit: ô vous qui avez cru, inclinez-vous, اركعوا c'est inclinez-vous, واسجدوا prosternez-vous, واعبدوا ربكم et adorez votre Seigneur, وافعلوا الخير et faites le bien. Tamam. Maintenant, dans Fahamin, c'est à toi maintenant de mettre les verbes qui correspondent dans les trous. Inch'Allah. C'est cool. Sour, fil foror, fil mayali, ou d'or, afouan, c'est pas ça, minwa ça. C'est d'or, minwa d'or, mettre, poser. D'or, fil foror, fil mayali, fil amrin munasaban. Donc, mets dans les trous un fil, un impératif, un verbe impératif qui correspond. Et je mets le ou là. On peut plus féminin et masculin, c'est pareil. Là. Iqra'i, dis. Iqra'i le Qur'an ya Maryam. Non. Iqra'i le Qur'an ya Maryam. Mais en fait, quand t'as. Parmi les règles de lecture, quand t'as un harf med, comme le waou, ou le alif, ou le ya, et qu'il y a peut-être un alif ou lem, il n'y a pas de med. Tu dis pas ça, Iqra'i le Qur'an. Tu lis normalement en fait. Ça, c'est parmi les règles que tu apprends en tout cas quand tu lis. Quand tu as Ahmed, Haf Med, et d'ailleurs tu as un livre Lem, tu ne fais pas une prolongation. Taïeb, pas de prolongation. Taïeb, Thanian. Ya Aulad, Kulul Khubz, Washrubu, Kawata. Non. Oh les enfants, mangez le pain et buvez le café. Thalithan. Ukhruj min al-fasli ya Moussa. Non. Sors de la classe, oh Moussa. Rabian. Regarde même Damien, c'est quoi? Ursilna. Ir. Ursilna. Wajhakunna. Wajhakna. Oujou. Oujou. Oujou. Hakna. Oujou. Hakunna. Oujou. Hakunna. Wa aidiakunna. Bisabouni. Donc là, il s'exprime à des femmes et dit: lavez vos visages ainsi que vos mains avec du savon. Khamis. Khamisan. Ursil ra'asak. بالصابون بالموس آه موسى. لا موسى لا موسى احلق رأسك احلق احلق رأسك بالموس موسى بالموسى موسى شيء ساسي روبلد فصا يا يا ألف موسى كم ال مثل اسم النبي سكيب pareil موسى sauf que là c'est un rasoir donc rase ta tête avec le rasoir. Naam. Sadisan. Uqtul hadhihi al-aqrab ya abi. Naam. tue ce scorpion ou mon père. Sabian. Qala Khalid. Khalid. Qala Khalid izamilihi. Zamili. Izamili Zakaria. Ma ma'na hadhihi al-kalima? Qala Zakaria ana la adri. Is'al ana la adri, is'al al-mudarrisa. Naam. Qala Khalid izamili Zakaria, donc Khalid a dit à son camarade Zakaria, ma ma'na hadhihi al-kalima? Que veut dire ce mot? Qala Zakaria, Zakaria dit ana la adri. Il dit je ne sais pas. Moi je ne sais pas. Is'al al-mudarris. Interroge le professeur. ثامنا نعم سيدي هو صح اقطع اللحم بذاك السكين الحاد الحادي لا نعم الحادي يا خديجة يا خديجة يا خديجة donc coupe la viande cette viande avec le couteau aiguisé au خديجة نعم اقطعي تاسعا اكتب اسمك اكتب اسمك اسمك اكتب اسمك اكتب اسمك اكتب اسمك على الدفتر على دفترك يا عبد الرحمن نعم écris ton nom sur ton cahier ou عبد الرحمن قالت المدرسة للطالبات يذهبون الآن إلى طالبات هذه فهم فهمنا مخاطب مؤنث ذهبنا ذهبنا الآن إلى المكتبة وقرأنا نعم. الصحف والمجلات ثم رجعنا إلى الفصل بعد نصف الساعة. Donc مدرسة دي aux étudiantes allez maintenant à la bibliothèque et ikra'na, lisez les journaux et les magazines. Yaritaha qalat ikra'na, ikra'na al-Bukhari wa Muslim wa Adli tafsir la suhuf majallat. Thumma irji'na, retournez il al-fasli ba'd al-sa'a, et retournez en classe après une demi-heure. Hadi 'asha. Ya Ammar منديلك منديلك منديلك واسخ جدا واسخ واسخ جدا واسخ ايوه ما في مد واسخ جدا فاغسله نعم او عمار ton mouchoir ou ta serviette c'est ton mouchoir est très sale alors lave-le là comme on dit le fin attention c'est une lettre qui veut dire alors à ce moment-là alors donc il dit amen mayali. Mais dites ce qui suit. El fi'lu aqsam ul fi'li thalatha. Les catégories de verbes sont de trois. Attention, il n'a pas dit les temps. Il a dit les aqsam. C'est-à-dire qism qui veut dire catégorie. Mardin, passé. Wa mudawali, présent. Wa amrun, impératif. Nahu, zahaba, yadhhabu, idhhab. Mais s'il avait parlé de temps, il y a combien de temps le verbe? Thalatha. Mardi. Mudari. Mustaqbel. Sauf que le mustaqbel, en fait, on met dans le mudari. Parce que c'est les mêmes règles. C'est juste qu'on rajoute ça ou ça ou fait. Mais quand on dit aqsam, c'est les catégories de verbes. Et là, c'est comme il a dit, c'est le passé, le présent et l'impératif. Mafoumada ? Non. Et ça, c'est une faïda pour le fi'l amr. L'impératif. C'est une formule que l'on emploie pour désirer une chose d'une personne ou qu'il continue ce sur quoi il aime. Par exemple, elle aime par exemple, t'écris, moi je dis Isma, quel ami, écoute ce que je dis, ma parole. Là c'est un faire l'impératif pour que tu fasses maintenant ce que tu ne faisais pas avant. Mais par contre, tu peux aussi être en train d'écouter ce que je dis Isma, c'est-à-dire continuer à écouter.